Chapitre 6. Louise Tabary était une personnalité fort célèbre sur le voyage. Elle était née au faubourg Saint-Antoine, d'un père ébéniste et d'une mère passementière. Son enfance, peu surveillée, s'était écoulée au milieu de la promiscuité des quartiers populeux, et dès son jeune âge, elle avait montré une grande précocité. Elle avait 13 ans lorsque son père, un alcoolique invétéré, était mort à l'hôpital, et sa mère était restée avec 4 enfants, dont elle était l'aînée. Jolie, d'une taille bien prise, n'ignorant rien, elle avait été vite en butte à des sollicitations dont elle comprenait la nature. Mais sa jeune expérience, déjà mûre, l'avait mise en garde contre le danger. Un jour, qu'avec un cynisme ingénu, elle racontait à sa mère une de ces aventures auxquelles elle était journellement en butte. « Moi, conclut-elle, je suis comme cela. Je me donnerai pour rien à qui me plaira, ou pour beaucoup d'argent à qui me paiera. » Elle n'avait pas achevé qu'elle recevait une paire de taloches. Mais un jour, qu'on avait faim à la maison, et que les petits criaient devant le buffet vide, elle rentra portant sous son bras un pain de 6 livres, et ployait dans un papier graisseux un magnifique poulet rôti. Puis elle tira de sa poche une pièce de 20 francs, qu'elle déposa sans mendire sur la table. Cette fois la mère embrassa sa fille. Pour son bon cœur, elle lui pardonnait sa faute. Quel fut le début dans la vie de la jeune Louise. De ce jour, elle fut libre de vivre à sa guise, et la maison ne chôma plus. La mère, qui se faisait vieille et qui ne dédaignait pas de boire de temps en temps un petit verre avec les voisins, abandonna son métier et s'habitua à ce régime. Si bien qu'un jour sa fille, ne s'étant pas trouvée en mesure d'acquitter le montant du terme, elle leva la main sur elle pour la rappeler au sentiment de ses devoirs. Mais Louise allait avoir 16 ans. Outrée de ce procédé, elle ne reparut pas le lendemain. Mais une lettre prévenait la mère de la résolution de la jeune fille. « Ma chère mère, j'ai rempli mon devoir. » Tu n'as pas rempli le tien, tant pis pour toi. Je ne veux pas être maltraité. Débrouille-toi, ne cherche pas à me retrouver, tu n'y arriverais pas. Ta fille dévouée, Louise. La mère furieuse porta cette lettre au commissaire de police, qui prescrivit des recherches, mais en vain. Elle ne revit plus la gamine. Louise avait profité de la fin de la fête du trône pour filer avec celui de ses amoureux, qui lui semblait non le plus digne d'être aimé, mais le plus facile à conduire. Elle n'avait choisi ni le plus jeune, ni le plus beau, ni le plus riche, mais un simple photographe ambulant qui opérait en palque, c'est-à-dire derrière un tour de toile en plein vent. Charles Tabary, de 20 ans plus vieux qu'elle, était un garçon intelligent, qui par son activité et son savoir-faire eût pu se créer une situation enviable sur le voyage, sans son penchant immodéré pour l'absinthe. Tout d'abord, il recula quand cette gamine lui offrit de partir avec lui, mais elle l'assura, si nettement, qu'il n'avait rien à craindre et tout à gagner en la gardant, qu'il accepta, flatté au fond d'un choix qu'il l'avait fait préférer à 20 autres. Louise, très belle fille, déjà fort connue des forains, était, il le savait, l'objet des poursuites de nombre de ses collègues. Elle passa 2 jours dans la chambre noire, le temps de tout emballer. Puis ils partirent par une nuit obscure et quittèrent Paris sans toutefois trop s'en éloigner. Ils firent ensemble toutes les fêtes de la banlieue. C'est alors qu'il put admirer de combien de ressources disposait l'esprit inventif et commerçant de sa jeune amie. Elle se mit rapidement au courant des moindres détails du métier et la baraque prospéra. Jamais photographie n'avait eu marcheuse plus engageante. Personne mieux qu'elle ne savait empaumer son monde. Comme il s'étonnait parfois d'un résultat semblable. « Tout ça, vois-tu, lui disait-elle, dans l'argot spécial de la banque, c'est du truc. Le tout est de savoir bien engrainer le trèpe. » Engrainer le trèpe attirait le monde, et préparer son entodage. L'entodage entrée du public en foule. En effet, on ne passait pas impunément devant la baraque, véritable toile d'araignée, dans laquelle elle excellait à faire tomber les mouches. « Monsieur, votre portrait, 1 franc, c'est pas cher, on ne vous demande qu'une minute. » Et on ne résistait pas au clin d'œil de la jolie fille. On entrait parfois dans l'espoir de trouver derrière ce jour de toile un recoin tutélaire où l'on pût être à l'abri des regards indiscrets. « Madame, le portrait de votre joli bébé, en 1 seconde c'est fait, en souvenir de la fête. Oh mon Dieu, quel amour d'enfant !» Et la mère, ravie, suivait la marcheuse. Et à l'intérieur, elle savait si bien enjoler le client. « Voilà votre portrait. Voyez comme il est réussi. Malheureusement, il sera bien vite brûlé à cause du soleil, tandis qu'avec une couche d'émail, ce sera vraiment dommage. Une couche d'émail et vous pourriez le conserver indéfiniment. C'est si vite fait, oui, n'est-ce pas ? Charles, émaille le portrait de monsieur. » « Ce n'est pas cher, ce n'est 1 franc. » Puis, pour faire patienter le client, étourdi par ce flot de paroles. « Maintenant, continuait-elle, je vais préparer le cadre. Un joli cadre, n'est-ce pas ? Vous ne voudriez pas le donner à votre connaissance sans un cadre. Regardez celui-là, tenez. Partout, vous le payerez 3 et 4 francs. Chez nous, qui donnons à notre clientèle et qui ne cherchons pas à les estomper, ce n'est que 30 sous. Charles, fixe le portrait de monsieur dans ce cadre. Tu sais, celui-là, pas un autre. C'est celui-là que monsieur a choisi. Et s'il s'agissait d'une jeune femme? Comment, pas de bijoux? Oh, une femme sans bijoux. Sur une photographie, nous en avons de faux qui imitent le vrai. Pour la pose. Et nous ne prenons rien pour cela. Quand elle avait suspendu des boucles aux oreilles de sa cliente, des bracelets à ses poignets, elle jetait un cri d'admiration. « Comme ça vous va tout de même, comme ça requinque tout de suite une femme. Ah, et puis, il n'y a pas à dire, vous étiez faite pour porter des diamants. Vous savez, s'ils vous font plaisir, ne vous gênez pas. Je vous les vendrai. Oh, ce qu'il me coûte, nous ne gagnons pas dessus. C'est pour faire plaisir à notre clientèle. » Et elle vendait sa garniture de camelote 4 fois sa valeur. Elle trouvait toujours un moyen de venir à bout des gens les plus rétifs. C'est elle qui inventa ce truc, usité quelquefois sur le voyage, par des malins qui ont affaire à des clients entêtés mais timides. Un jour qu'elle avait entraîné, malgré lui, dans le tour de toile, un vieux paysan porteur de 2 énormes paquets, et que le bonhomme, très défiant, s'était fait photographier avec ses 2 colis déposés à droite et à gauche de sa chaise, toute son éloquence se heurta à une indifférence peu commune. Le paysan n'accepta ni émaillage ni cadre. Il allait partir et tendait déjà sa pièce de 20 sous, lorsque Louise lui barra la route. « Ah, mais non, mon vieux, nous ne sommes pas ici pour nous amuser, mais pour gagner notre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes un richard et nous, de pauvres voyageurs, qu'il faut nous exploiter. J'appellerai plutôt les hirondelles, gendarmes. C'est 20 ronds pour vous tout seul, mais vos 2 paquets et vous, ça fait 3. Vous ne voudriez pas que nous fournissions notre marchandise à l'œil. À bout les 3 francs. » Et force fut au vieux paysan de s'exécuter pour éviter le scandale. L'aventure resta légendaire, et quand on la lui rappelait, « Ça prouve tout simplement que j'ai le génie du commerce, » disait-elle modestement. Charles Tabary était émerveillé. De bonne grâce, il se résignait au rôle d'opérateur, comprenant que son intérêt était de laisser un libre cours à l'imagination de sa maîtresse. Elle avait une si grande entente des affaires, et il était si agréable de n'avoir qu'à se laisser vivre. De fait, en même temps qu'elle en était l'âme, Louise était la véritable patronne de l'établissement. Ils vivaient ensemble depuis 1 an environ, lorsqu'elle devint enceinte. Tabary offrit aussitôt de régulariser la position. Il devait trop à la jeune fille pour ne pas saisir toutes les occasions de lui montrer combien il tenait à lui être agréable, et c'était du reste une façon de la lier à lui. « Mon Dieu, mon pauvre homme, comme tu es simple. Me marier avec toi, je ne demanderai pas mieux. » Mais il faudrait demander l'autorisation à ma mère, qui doit me chercher partout. Elle nous tombera dessus, elle et toute sa marmaille. Soit, puisque tu le désires, c'est entendu. Mais nous attendrons qu'elle soit morte. En attendant, tu te contenteras de reconnaître le gosse. D'ailleurs, pour tout le monde, c'est-il pas la même chose? Je suis ta Miston légitime, on m'appelle la femme à Tabary. Pour ce que nous voulons en faire, va, ce sera toujours le temps de s'y prendre. Et comme toujours, Charles Tabary acquiesça. Louise accoucha d'un fils qui reçut le prénom de Jean et fut mise en nourrice. La mère avait alors 17 ans. Cependant, le bruit de l'habileté de la jeune femme se répandit sur le voyage. C'était une rouée qui la connaissait dans les coins, disait-on en parlant d'elle. Et ce qu'avait prévu Tabary arriva. On vint de toutes parts lui faire des offres superbes, si elle voulait entrer, qui dans un théâtre de marionnettes, où il fallait une explication, qui dans un cirque, qui dans un tir. Mais Louise ne se laissa pas tenter. Elle était chez elle et ne se souciait pas de passer au service des autres, même à des conditions extraordinaires. Toutefois, une de ses offres la fit réfléchir. Elle avait reçu la visite de la mère Voiret, la directrice de l'entresort le mieux tenu du voyage, qui lui avait tenu ce langage. « Ma fille, vous êtes grande, jeune et bien faite. Vous avez du bagou. En un mot, vous plaisez. Au lieu de vous exterminer à poireauter par tous les temps, pour faire réussir un truc de roustille sûr, qui ne rapporte pas la peine qu'on se donne, venez avec moi. Je montrerai pour vous une baraque où vous serez au chaud. Vous choisirez le genre qui vous plaira. La femme tigrée, la femme torpille, la femme coupée en deux, même la femme colosse. C'est facile et vous ferez de l'or. Ou bien, ce qui est mieux, et encore plus simple, vous serez simplement la belle créole ou la belle amaïdée. Je vous assure que c'est là votre vraie voix. » Louise Tabary ajourna sa réponse. Mais le soir même, elle posait à brûle-pourpoint cette question à son amant. « Combien avons-nous de côté ?»« Dame, je ne sais pas. Dans les 1500 francs, peut-être. si nous lâchions la photographie ?»« Tu veux plaisanter ?»« Pas du tout, mais la mère Voiret m'a donné une idée. Dans notre métier, nous avons un mal de chien pour gagner 4 sous. Dans le sien, si on sait s'y prendre, on peut sans peine s'y faire des recettes admirables. » Elle se leva, prit la lampe, s'examina un instant avec complaisance dans une petite glace pendue à la muraille. Puis, satisfaite sans doute, elle revint s'asseoir et continua. « Bien que j'aie eu un gosse, je ne suis pas trop décatie. Au contraire, ma parole, je crois que la maternité m'a embellie. Eh bien, nous allons vendre notre matériel. Tu n'en garderas que ce qu'il en faut pour qu'il te soit possible de faire de la photographie en amateur, si ça t'amuse. Nous achèterons une caravane, parce que j'en ai soupé d'être obligé de loger en garni et de laisser sur le tas notre tour de toile exposée au mauvais temps et à la portée des voleurs. Puis nous monterons un entresort. Je choisirai un nom ronflant. Louise, c'est pas assez chic. Loïsa, par exemple. Tiens, Loïsa, la belle créole. L'idée de la mère Voiret. Nous prendrons un bonisseur qui connaîtra à fond les trucs du métier et qui me les apprendra. Il suffit qu'on sache bien engrainer le trèpe. Parce qu'une fois entré dans la baraque, c'est moi qui me charge de le faire marcher. Voyons, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une bonne idée, mais ça me fait gros cœur tout de même de lâcher ma photographie. Il n'y aurait pas moyen de faire les deux ensemble ? Mon Dieu, on peut essayer. Mais sans toi, tu sais, j'ai bien peur que ce ne soit un four. Tu feras juste pour tes frais et t'auras la peine en plus. Dès le lendemain, car avec la jeune femme, l'exécution suivait toujours de près le projet, la peu scrupuleuse Louise s'abouchait avec Joseph, le bonisseur de la mère Voiret, et lui offrait, s'il voulait entrer, à son service, des avantages qu'il ne trouvait pas chez sa patronne actuelle. Joseph Débuchet, dit Boyau Rouge, était né à Arras. Venu tout jeune à Paris, il s'était dessalé dans les faubourgs et avait exercé un peu tous les métiers. En dernier lieu, il avait été garçon marchand de vin. Pendant une fête, une des odalisques employées dans le concert tunisien de la mère Voiret était tombée amoureuse de son torse d'Hercule, et il avait lâché le tablier pour suivre sa conquête. Justement, la mère Voiret avait besoin d'un surveillant sérieux et bien découplé pour garder son harem. Autant par intérêt que pour faire plaisir à sa pensionnaire, elle avait engagé Boyau Rouge, qui s'était bientôt fait remarquer par son bagout extraordinaire et sa roublardise. On l'avait alors élevé à la dignité de bonisseur, et nul ne s'acquittait mieux de cet emploi. Sur tout le voyage, les Lazzi étaient célèbres, et l'on pouvait être sûr d'une recette lorsqu'il voulait se donner la peine de travailler. Il était avec cela d'une jolie force sur le tambour, et donnait en parade de véritables représentations, reprenant pour son propre compte avec une incomparable virtuosité tout le répertoire de Plessis. C'était bien l'homme qu'il fallait au tabari pour lancer leur nouvelle affaire. Tout d'abord, Boyau Rouge se fit tirer l'oreille. Il avait de bons emplois, se faisait de beaux bénéfices. Ces dames l'aimaient beaucoup, et il eût été complètement heureux sans la jalousie idiote de Leïla, son odalisque particulière. Mais à part ce petit désagrément, il ne voyait pas de situation pouvant lui rapporter de plus beaux profits, ni autant de satisfaction. Il eût donc été déraisonnable à lui abandonner la proie pour l'ombre, le certain pour l'incertain. Et il accentuait sa défense de sous-entendus et grillards, sur le ton de fatuité d'un homme habitué au succès facile, et qui n'hésite pas, le cas échéant, à faire passer un triomphe d'amour-propre avant ses intérêts matériels. Il y avait 10 pensionnaires dans l'entresort de la mère Voiret. Dans le nouvel établissement, il travaillerait seul avec la patronne, une femme bien engageante, bien intelligente certainement, mais dame, qui serait toujours la patronne, et il ne voyait pas bien clairement l'avantage. « J'engagerai Leïla, si tu veux. »« Ah non, par exemple, si jamais j'acceptais, ce serait justement pour ne plus la revoir. » « Je veux bien être gentil, mais j'aime pas être cramponné. » Louise devina la secrète pensée du rusé bonisseur. Un instant, elle le considéra des pieds à la tête, en silence. Cette inspection fut sans doute assez favorable à Boyau Rouge, car elle conclut. « J'ai compris. Avec toi, je suis sûr de succès. Donc je saurai faire tous les sacrifices. Si tu veux, nous nous associons, par à deux. Quant au reste, je tâcherai que tu ne sois pas trop mécontent. » Le gars sourit imperceptiblement, en mordillant sa moustache blonde. « Est-ce entendu ?» reprit Louise, en regardant dans les yeux de son interlocuteur. « Eh bien, soit. » Le pacte fut scellé chez le prochain marchand de vin, entre 2 prunes à l'eau-de-vie. À son retour, elle trouva Tabari complètement gris, et elle lui exposa les avantages de sa nouvelle combinaison, sans toutefois lui en faire connaître toutes les charges. Le photographe approuva sans discuter, et lorsque 2 jours après, la mère Voiret vint chercher sa réponse. « Je vous remercie, répondit Louise, de votre démarche et de l'excellente idée que vous m'avez donnée. Je vais la mettre en pratique. Mais comme j'ai quelques sous devant moi, je travaillerai pour mon compte. Faut pas vous en fâcher, ni que ça nous embête de rester bonnes amies. Chacun pense pour soi en ce beau monde. Il faut de l'expérience dans le métier, ma petite, riposta la mère Voiret d'un air pincé. Tant pis pour vous si vous buvez un bouillon, tandis qu'avec moi, c'était une affaire sûre et sans risque. J'aurai tout ce qu'il faudra pour la faire réussir, riposta Louise sur le même ton. Mais la mère Voiret ne comprit bien le sens de cette dernière phrase que quelques jours après, lorsque Boyer Rouge lui demanda congé et lui annonça son projet de s'établir de compte à demi avec les Tabary. Elle se mordit les doigts, mais trop tard, d'avoir indiqué cette voie à l'ambitieuse gamine, qui était bien capable de lui opposer une concurrence sérieuse. Deux semaines s'étaient à peine écoulées qu'une belle tente toute neuve se dressait adossée autour de toiles de Tabary. Sur le chapiteau, les passants pouvaient lire cette inscription en gros caractères. « Venez voir Loïsa, la belle créole ». Et derrière le comptoir, une pancarte verte avec ces mots, visibles pour les hommes seulement. « Première, 30 centimes, seconde, 20 centimes, les militaires, 10 centimes ». Boyer Rouge avait présidé à l'aménagement intérieur de la baraque. Sur une estrade établie dans un des angles, Louise Tabary trônait, moulée dans un maillot couleur chair, les pieds emprisonnés dans de hautes bottines lacées. Ses cheveux très noirs, coupés courts et frisés avec soin, donnaient un cachet original à sa frimousse, toujours en éveil, et son corsage, largement échancré, laissait voir les trésors arrondis d'une gorge très blanche et très ferme. Sans être une des sept merveilles de la création, ainsi que l'annonçait au dehors Boyer Rouge, dans l'étourdissant boniment qu'il avait spécialement composé pour la circonstance, Louise était l'attraction la plus agréable à voir de tout le voyage. Au pied de l'estrade, deux rangées de chaises pour les premières. Derrière, une balustrade recouverte de velours rouge, deux banquettes de moleskine pour les secondes. Au troisième, le public restait debout. Boyer Rouge, costumé en clown, recommençait sa parade et ses roulements 10 fois par heure. On pouvait entrer. Les amateurs du sexe en auraient pour leur argent. Le sujet ne montrerait ni des appâts ni des mollets de pacotille. Cette demoiselle, célèbre dans son pays pour sa beauté et sa grâce sans pareil, s'exhiberait en pleine nature. D'où l'interdiction de pénétrer faite aux femmes et aux jeunes gens de moins de 16 ans. Ce n'est qu'à prix d'or et pour un temps limité qu'on avait pu déterminer la belle Loïsa à apparaître en public. Il fallait donc profiter de cette occasion unique. Entrez, entrez, c'est pour rien. On rendra l'argent à ceux qui ne seront pas contents. À l'intérieur, Loïsa, dès qu'une assistance suffisante avait pris place, commençait son petit discours. Le récit de sa lamentable aventure sur un ton monotone de mélopée. Elle était née aux colonies, mais ses parents avaient été assassinés par un nègre qui avait voulu la prendre de force. Elle avait dû venir en France pour gagner sa vie, et etc. Puis, bien stylée par Boyer Rouge, elle détaillait elle-même, avec une complaisance naïve, les charmes de sa personne, tendant son mollet qu'elle laissait palper par les messieurs des premières. Puis comme le public, un peu désappointé, murmurait, peu satisfait de ne point voir la pleine nature promise, « Maintenant, messieurs, pour terminer, je vais vous montrer mon petit chat. Mais ceci étant réservé à mes bénéfices personnels, je vais me permettre de faire le tour de la société. » Elle recueillait généralement des spectateurs alléchés une ample moisson de gros sous, remontait sur son estrade, tirait d'un panier dissimulé sous son fauteuil un petit chat noir, dont le cou était orné d'une faveur rose, et le posait sur ses genoux. « Voici, messieurs, le petit chat que je vous ai promis. C'est pour avoir l'honneur de vous remercier. Et si vous êtes content et satisfait, vous voudrez bien en faire part à vos amis et connaissances. » Cette plaisanterie d'un goût douteux obtenait le succès qu'elle méritait. On sortait en souriant, furieux dans le fond, d'avoir été victime d'une semblable mystification. Et personne ne revenait, sauf toutefois ce que les formes grassouillettes et la gentille réelle de la belle créole avaient particulièrement séduit. Cela prenait généralement pour confident Boyer Rouge, qui, bien payé, acceptait de se faire auprès de la jeune fille l'interprète de ses admirateurs. C'était en vain, Louise n'accordant aucune attention à ses déclarations. D'un autre côté, Tabary, livré à lui-même, n'obtenait plus que des résultats insignifiants. Depuis le départ de la marcheuse, la photographie ne faisait plus ses frais, et il vint un moment où l'entreprise commune, ne rapportant pas les bénéfices qu'on en espérait, Boyer Rouge montra les dents. L'activité qu'il dépensait ne portait pas ses fruits, et il regrettait à présent son ancienne situation. Il exposa ses griefs à la jeune femme, qui de son côté commençait à réfléchir, et tous deux tinrent conseil. On négligea de demander son avis à Tabary, qui, depuis qu'il n'était plus surveillé, noyait régulièrement son ennui dans les pots. « Ma chère amie, dit le bonisseur, nous perdons notre temps. Et si ça continue, nous perdrons notre argent. Tu as beau avoir comme moi le génie de la réclame, ça ne suffit pas. Dans une industrie comme la nôtre, notre métier consiste à nous moquer du public. En somme, on lui demande son argent et on ne lui donne en retour rien d'intéressant. Il se laisse bien empiler une fois, mais il ne revient plus et il empêche les autres de venir. Que de fois déjà n'ai-je vu des gens en balade sur la foire et sur le point d'entrer être arrêtés par l'un d'eux. Ah non, pas là-dedans, je vous en prie, c'est des farceurs. Dans un entre-sort, vois-tu, il faut savoir trouver et offrir des compensations qui font passer sur la pauvreté du spectacle. Je ne comprends pas, dit Louise. Tu vas comprendre, reprit Boyer-Rouge. Le jour où les beaux messieurs, les rigolos qui viennent pour s'amuser aux fêtes, seront trouvés ici une jolie fille, pas bégueule, il n'y aura plus besoin d'aller les chercher. Ils reviendront tous les jours, tout seuls, et ils mettront à la mode ton établissement. Ce n'est pas autrement que la mère Voiret a fait fortune. Mais Charles, objecta Louise, qui comprenait admirablement, mais qui voulait au moins avoir l'air de résister. Charles, Charles, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça ne l'empêche pas de le garder. Oh oui, tu sais, dit Louise avec dignité, car il est le père de mon fils. Justement, en somme, tu travailleras pour l'avenir de ton enfant. Avenir que nous compromettrons si nous conservons un truc qui nous fera bouffer jusqu'à notre dernière galette. Dès l'instant que tout ira bien, Charles n'aura rien à dire. Du reste, je m'en charge, interrompit Louise vivement, comme si elle venait de prendre subitement une résolution. Qui veut la fin, veut les moyens. Et si nous avons envie de devenir riches? Parfaitement, et tu n'as qu'à te fier à moi. J'ai l'expérience de ces sortes d'affaires. Quand je te dirai « tu peux marcher », c'est qu'en effet tu pourras y aller les yeux fermés. Tout sera débattu d'avance. Maintenant, pour établir un peu l'équilibre du budget, nous allons supprimer la photographie, qui ne nous rapporte rien, et engager des chiquets. Ça m'aidera pour les parades, et ça ne nous coûtera que 30 sous par jour et le dîner. Tu as remarqué, même quand il y a beaucoup de monde devant la baraque, personne ne mange. Dès qu'il entre quelqu'un, tout le monde suit. C'est l'affaire des chiquets de faire suivre la trêpe quand je l'ai engrainée. Toutes ces dispositions prises et approuvées, Louise fit le soir même part à Tabary de sa nouvelle décision. Elle rencontra d'abord une certaine résistance. Le photographe tenait à son établissement, ne voulant pas se résigner à s'en séparer. Mais Louise finit comme toujours par obtenir gain de cause. Elle lui expliqua que l'intérêt commun était en jeu, qu'il fallait être pratique et que des scrupules bêtes étaient déplacés dans la circonstance. On lui demandait simplement de rester tranquille, de s'occuper du service particulier de la maison et de laisser faire. Elle se chargeait du reste. Tabary consentit à tout sans demander plus de détails. Il comprenait qu'une existence nouvelle, libre et indépendante, lui était réservée en récompense de son effacement. Il pourrait, à sa volonté, se livrer à son penchant favori, sans que nul y trouvât à redire. C'était l'idéal. Dès ce jour, il inaugura les fonctions de mari de la reine, et il sut toujours s'en acquitter, avec un tact dont les deux associés lui surent beaucoup de gré. Tel fut le début de cette vie à trois, qui devint légendaire sur le voyage, et qui, pendant les longues années qu'elle dura, ne reçut jamais un accroc. Les prévisions de Boyer-Rouge s'étaient réalisées. À partir du jour où l'on sut trouver la jeune fille, sinon toujours facile, du moins jamais cruelle ni indifférente aux galanteries, le public afflua dans le salon de la belle Loïsa, en dépit de l'insignifiance ridicule du spectacle. Elle devint même tellement à la mode que le directeur d'un grand établissement de Paris l'engagea et fit d'elle sa principale attraction. Il forma seulement pour l'encadrer une troupe de danseuses vaguement exotiques, au milieu desquelles trônait Loïsa, qui était décidément devenue une fille superbe. Boyer-Rouge resta son barnum. Elle s'était prise d'une véritable affection pour ce grand garçon, dont les conseils et l'appui lui avaient été si utiles. Elle lui était reconnaissante du dévouement et de l'abnégation qu'il lui montrait, car lui aussi s'était attaché à elle et lui avait donné des preuves nombreuses de son attachement. Gamine avec Tabary, déjà trop vieux et trop usé pour elle, elle s'était réveillée femme au bras du bonisseur, et femme dans toute l'acception du mot, en proie à des passions aussi vives, à des désirs aussi ardents que si elle fût née réellement sous le ciel brûlant des Antilles, que si elle eût été une véritable créole. Peut-être fallait-il chercher dans cette révolution de tout son être le secret de cette beauté, de cet attrait qui lui valait tant d'adorateurs. Toujours est-il que 5 ans après ses débuts, Loïsa était célèbre et déjà riche. Dans les vitrines s'étalaient ses photographies. Les échos des journaux mondains célébraient sa gloire. elle resta toutefois fidèle à son origine et se refusa toujours à abandonner le voyage. Après chaque fugue, à la fin de chacun de ses engagements en province ou à l'étranger, elle revenait à son point de départ. Elle avait conservé auprès d'elle la troupe de danseuses qu'on avait formée à son intention et elle était devenue patronne. Propriétaire de 3 immenses caravanes, d'un matériel très complet et très luxueux, elle rêva d'organiser sous son unique direction la série complète de toutes les attractions des Entresorts. C'était encore une idée suggérée par Boyau Rouge. C'est ainsi qu'outre le concert tunisien, dont elle était l'étoile, elle eut une femme torpille, une femme colosse, une femme tigrée. Elle liait à elle seule ses pensionnaires par des engagements très durs, leur enlevant toute liberté afin de les avoir toujours sous la main. Son installation devenait plus que jamais le rendez-vous du Paris qui s'amuse, plus que jamais l'intelligence et la bonne volonté de Boyau Rouge trouvèrent leur emploi. Comme Loïsa jadis et sous la surveillance de la patronne, ces dames mirent à profil ces bons offices, toujours rendus avec tant de discrétion que la police, qui se doutait bien un peu du trafic, ne put jamais les trouver en défaut, et la belle créole gagna en argent tout ce que la morale perdait en cette affaire. Cependant Charles Tabary vieillissait à vue d'œil, non qu'il fût très âgé. Il avait dépassé à peine la quarantaine, mais l'oisiveté dans laquelle on le faisait vivre avait développé en lui l'amour de la boisson. Son intelligence était épaissie, et un jour Boyau Rouge constata que l'ami Charles avait un commencement de tremblote. Il en avisa à Louise Tabary. La belle créole s'émut de cet état. Elle réfléchit longtemps et l'hypothèse de la mort de Charles lui apparut menaçante. Car enfin elle avait un fils qui s'appelait aussi Tabary, et elle était toujours demoiselle. Elle devait à sa dignité de ne pas rester plus longtemps dans une situation qu'elle trouva équivoque, et puisqu'elle avait le père sous sa coupe, qu'il avait bien voulu jadis l'épouser, il fallait réaliser ce projet au plus vite. La situation fausse de Charles, mari et père in partibus, deviendrait normale et honorable dès qu'il serait mari légitime. Maintenant qu'elle avait 21 ans accomplis, elle n'aurait plus à craindre d'ennui de la part de sa mère. Ses frères et sœurs devaient être grands. Au besoin, maintenant qu'elle était établie, riche et considérée, elle prendrait sa famille avec elle. Elle eut quelque peine à en retrouver la trace. Sa mère était morte, ainsi qu'un de ses frères. Il restait un garçon de 18 ans et une sœur de 16 ans, aujourd'hui tous les deux employés dans une fabrique de chaussures. Elle leur fit quitter leur emploi, confia à son frère la surveillance d'une partie du personnel et commit la jeune fille aux soins de son ménage particulier. Fière d'avoir saisi cette occasion de se montrer bonne sœur, elle songea à se montrer bonne mère. « Vois-tu, dit-elle à Tabary, nous avons pu, dans notre jeunesse, commettre quelques inconséquences. Aujourd'hui que nous sommes en passe de devenir les forains les plus calés du voyage, nous n'avons pas le droit de vivre en dehors de la règle commune. » Et elle ajouta sérieusement, « Pour notre dignité et pour notre considération, il faut que nous soyons mariés. » « On a bien vécu toujours comme ça, objecta Tabary. Ça ne fait rien, vois-tu, ça fait causer, répliqua l'inconsciente Gloïsa. On se dit, en parlant de toi, en v'là un feignant ce Tabary, qui se fait nourrir par sa femme. Tandis qu'étant mon mari, on te respectera, et on ne dira plus rien. Alors, dit Tabary, si tu crois que c'est mieux comme ça, je veux bien. Et Boyau Rouge, qu'est-ce qu'il en pense? Il pense comme moi. D'ailleurs, voilà que notre fils grandit, nous allons le reprendre avec nous. Il sera pas long à comprendre maintenant, ce petit-là. Intelligent comme il est, tu ne voudrais pas qu'il rougisse de ses parents. » Cette considération sentimentale fit grand effet sur Tabary. « Oui, décidément, tu as raison. À cause de notre fils, il faut que nous soyons mariés. » L'inconscience de Loïsa était sincère. Elle n'apercevait pas ce que sa conduite privée avait de parfaitement scandaleux. Il ne se doutait pas du caractère ignoble de son industrie. Elle avait fondé un entresort. Elle avait accepté de s'exhiber. Elle avait dû, pour obtenir un résultat, se conformer aux obligations qui constituent la seule chance de réussite d'un établissement de ce genre. À sa vue, elle avait exercé son métier habilement, voilà tout. Mais son honnêteté n'avait pour cela reçu aucune atteinte. Bref, le mariage eut lieu, au milieu d'une affluence considérable de forains et d'amis, que la décision cocasse de Louise amusait autant que l'attitude recueillie et sérieuse qu'elle garda pendant les deux cérémonies, à la mairie et à l'église. Boyau Rouge remplissait le rôle de garçon d'honneur. Quant à Tabary, il était tout heureux des marques de sympathie, trop chaleureuse pour n'être pas ironique, qu'on prodiguait à sa femme, et il serra consciencieusement toutes les mains qui se tendaient vers lui. Dans la soirée après le repas, il fut pris d'un accès d'attendrissement, et il serra sur son cœur sa chère femme, ce modèle des épouses. Mais Louise se dégagea doucement, et elle l'envoya se coucher dans la caravane particulière où il vivait depuis déjà longtemps, seul avec les appareils photographiques dont il n'avait pas consenti à se séparer. Quant à elle, elle continua à présider la petite fête sans qu'elle se sentît autrement émotionnée par la gravité de l'acte qu'elle avait accompli le matin. Toutefois, à partir de ce jour, elle renonça à figurer sur l'estrade, au milieu de ses pensionnaires. Elle était la patronne, une femme établie, légitimement mariée, ayant de la surface. Il ne lui convenait plus de se mêler à un tas de figurantes. Néanmoins, elle garda le maillot. Elle se souvenait de ses succès de marcheuse. Elle fit la parade en costume, concurremment avec Boyau Rouge, et la prospérité de son établissement s'en accrut tant qu'elle ruina du coup l'industrie de la mère Voiret, trop vieille pour pouvoir lutter. On n'allait plus que chez la belle créole, dont l'installation devenait de jour en jour trop petite pour contenir toutes les attractions qu'elle avait su grouper. Sous son intelligente direction, sa grande baraque était devenue un conservatoire, où l'on apprenait toutes les danses du monde, une cour des miracles, où l'on rencontrait tous les phénomènes. Mais elle n'exhiba jamais que des personnes du sexe. Ce fut elle notamment qui lança la fameuse poisson, un monstre authentique, qui n'avait à chaque main que deux doigts en forme de pinces de homard, la nageuse, une femme qui restait 2 minutes sous l'eau. Ce fut elle qui perfectionna les trucs célèbres, mais un peu usés de la fameuse torpille et de la fameuse tigrée. Pour cette dernière exhibition, il suffisait de se procurer un sujet de bonne volonté de 18 à 25 ans, joli autant que possible, mais qui consentit à se défigurer.